Chapitre 5e, le roman de la Lune. Un observateur, doué d'une vue infiniment pénétrante, et placé à ce centre inconnu autour duquel gravite le monde, aurait vu des myriades d'atomes remplir l'espace à l'époque chaotique de l'univers. Mais peu à peu, avec les siècles, un changement se produisit. Une loi d'attraction se manifesta, à laquelle obéirent les atomes errants jusqu'alors. Ces atomes se combinèrent chimiquement suivant leurs affinités, se firent molécules et formèrent ces amas nébuleux dont sont parsemées les profondeurs du ciel. Ces amas furent aussitôt animés d'un mouvement de rotation autour de leur point central. Ce centre, formé de molécules vagues, se prit à tourner sur lui-même en se condensant progressivement, d'ailleurs, suivant des lois immuables de la mécanique, à mesure que son volume diminuait par la condensation, son mouvement de rotation s'accélérait, et ces deux effets persistants, il en résulta une étoile principale, centre de l'amas nébuleux. En regardant attentivement, l'observateur eut alors vu les autres molécules de l'amas se comporter comme l'étoile centrale, se condenser à sa façon par un mouvement de rotation progressivement accéléré, et graviter autour d'elle sous forme d'étoiles innombrables. La nébuleuse, dont les astronomes comptent près de 5000 actuellement, était formée. Parmi ces 5000 nébuleuses, il en est une que les hommes ont nommée la Voie lactée et qui renferme 18 millions d'étoiles, dont chacune est devenue le centre d'un monde solaire. Si l'observateur eut alors spécialement examiné entre ces 18 millions d'astres l'un des plus modestes et des moins brillants, une étoile de quatrième ordre, celle qui s'appelle orgueilleusement le Soleil, tous les phénomènes auxquels est due la formation de l'univers se seraient successivement accomplis à ses yeux. En effet, ce Soleil, encore à l'état gazeux et composé de molécules mobiles, il l'eût aperçu tournant sur son axe pour achever son travail de concentration. Ce mouvement, fidèle aux lois de la mécanique, se fût accéléré avec la diminution de volume, et un moment serait arrivé où la force centrifuge l'aurait emporté sur la force centripète qui tend à repousser les molécules vers le centre. Alors un autre phénomène se serait passé devant les yeux de l'observateur, et les molécules situées dans le plan de l'équateur, s'échappant comme la pierre d'une fronde dont la corde vient à se briser subitement, auraient été formées autour du Soleil plusieurs anneaux concentriques semblables à celui de Saturne. À leur tour, ces anneaux de matière cosmique, pris d'un mouvement de rotation autour de la masse centrale, se seraient brisés et décomposés en nébulosités secondaires, c'est-à-dire en planètes. Si l'observateur eût alors concentré toute son attention sur ces planètes, il les aurait vues se comporter exactement comme le Soleil et donner naissance à un ou plusieurs anneaux cosmiques, origine de ces astres d'ordre inférieur qu'on appelle satellites. Ainsi donc, en remontant de l'atome à la molécule, de la molécule à l'amas nébuleux, de l'amas nébuleux à la nébuleuse, de la nébuleuse à l'étoile principale, de l'étoile principale au Soleil, du Soleil à la planète et de la planète au satellite, on a toute la série des transformations subies par les corps célestes depuis les premiers jours du monde. Le Soleil semble perdu dans les immensités du monde stellaire, et cependant il est rattaché, par les théories actuelles de la science, à la nébuleuse de la Voie lactée. Centre d'un monde et si petit qu'il paraisse au milieu des régions éthérées, il est cependant énorme, car sa grosseur est 1400 000 fois celle de la Terre. Autour de lui gravitent 8 planètes, sorties de ses entrailles même au premier temps de la création. Ce sont, en allant du plus proche de ses astres au plus éloigné, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. De plus, entre Mars et Jupiter, circulent régulièrement d'autres corps moins considérables, peut-être les débris errants d'un astre brisé en plusieurs milliers de morceaux, dont le télescope a reconnu 97 jusqu'à ce jour. De ces serviteurs que le Soleil maintient dans leur orbite elliptique par la grande loi de la gravitation, quelques-uns possèdent à leur tour des satellites. Uranus en a 8, Saturne 8, Jupiter 4, Neptune 3 peut-être, la Terre 1. Ce dernier, l'un des moins importants du monde solaire, s'appelle la Lune, et c'est lui que le génie audacieux des Américains prétendait conquérir. L'astre des nuits, par sa proximité relative et le spectacle rapidement renouvelé de ses phases diverses, a tout d'abord partagé avec le Soleil l'attention des habitants de la Terre. mais le soleil est fatigant au regard, et les splendeurs de sa lumière obligent ses contemplateurs à baisser les yeux. La blonde Phoebé, plus humaine au contraire, se laisse complaisamment voir dans sa grâce modeste. Elle est douce à l'œil, peu ambitieuse, et cependant, elle se permet parfois d'éclipser son frère, le radieux Apollon, sans jamais être éclipsée par lui. Les Mahométans ont compris la reconnaissance qu'ils devaient à cette fidèle amie de la terre, et ils ont réglé leur mois sur sa révolution. Les premiers peuples vouèrent un culte particulier à cette chaste déesse. Les Égyptiens l'appelaient Isis, les Phéniciens la nommaient Astarté, les Grecs l'adorèrent sous le nom de Phoebé, fille de Latone et de Jupiter, et ils expliquaient ces éclipses par les visites mystérieuses de Diane au bel Endymion. À en croire la légende mythologique, le lion de Némée parcourut les campagnes de la Lune avant son apparition sur la Terre, et le poète Agesianax, cité par Plutarque, célébra dans ses vers ses 12 yeux, ce nez charmant et cette bouche aimable, formés par les parties lumineuses de l'adorable Sélénée. Mais si les anciens comprirent bien le caractère, le tempérament en un mot, les qualités morales de la Lune au point de vue mythologique, les plus savants d'entre eux demeurèrent fort ignorants en sélénographie. Cependant, plusieurs astronomes des époques reculées découvrirent certaines particularités confirmées aujourd'hui par la science. Si les Arcadiens prétendirent avoir habité la Terre à une époque où la Lune n'existait pas encore, si Tatius la regarda comme un fragment détaché du disque solaire, si Cléarque, le disciple d'Aristote, en fit un miroir poli sur lequel se réfléchissaient les images de l'océan, si d'autres enfin ne virent en elle qu'un amas de vapeur exhalé par la Terre, ou un globe moitié feu, moitié glace qui tournait sur lui-même, quelques savants, au moyen d'observations sagaces, à défaut d'instruments d'optique, soupçonnèrent la plupart des lois qui régissent l'astre des nuits. Ainsi Thalès de Milet, 460 avant Jésus-Christ, émit l'opinion que la Lune était éclairée par le Soleil. Aristarque de Samos donna la véritable explication de ces phases. Cléomène enseigna qu'elle brillait d'une lumière réfléchie. Le chaldéen Bérose découvrit que la durée de son mouvement de rotation était égale à celle de son mouvement de révolution et l'expliqua de la sorte le fait que la Lune présente toujours la même face. Enfin, Hipparque, 2 siècles avant l'ère chrétienne, reconnut quelques inégalités dans les mouvements apparents du satellite de la Terre. Ces diverses observations se confirmèrent par la suite et profitèrent aux nouveaux astronomes. Ptolémée, au 2e siècle, l'arabe Aboulouefa, au 10e, complétèrent les remarques d'Hipparque sur les inégalités que subit la Lune en suivant la ligne ondulée de son orbite sous l'action du Soleil. Puis Copernic, au 15e siècle, et Tycho Brahe, au 16e, exposèrent complètement le système du monde et le rôle que joue la Lune dans l'ensemble des corps célestes. À cette époque, ses mouvements étaient à peu près déterminés, mais de sa constitution physique on savait peu de choses. Ce fut alors que Galilée expliqua les phénomènes de lumière produits dans certaines phases par l'existence de montagnes auxquelles il donna une hauteur moyenne de 4 500 toises. Après lui, Hévelius, un astronome de Dantzig, rabaissa les plus hautes altitudes à 2 600 toises, mais son confrère Riccioli les reporta à 7 000. Herschel, à la fin du 18e siècle, armé d'un puissant télescope, réduisit singulièrement les mesures précédentes. Il donna 1 900 toises aux montagnes les plus élevées et ramena la moyenne des différentes hauteurs à 400 toises seulement. Mais Herschel se trompait encore. Et il fallut les observations de Schroeter, Louville, Halley, Nasmyth, Bianchini, Pastorff, Lohrmann, Gruithuysen et surtout les passantes études de Messieurs Baer et Mödler pour résoudre définitivement la question. Grâce à ces savants, l'élévation des montagnes de la Lune est parfaitement connue aujourd'hui. Messieurs Baer et Mödler ont mesuré 1905 hauteurs, dont 6 sont au-dessus de 2 600 toises et 22 au-dessus de 2 400. Leur plus haut sommet domine de 3 800 et une toise la surface du disque lunaire. En même temps, la reconnaissance de la Lune se complétait. Cet astre apparaissait criblé de cratères, et sa nature essentiellement volcanique s'affirmait à chaque observation. Du défaut de réfraction dans les rayons des planètes occultées par elle, on conclut que l'atmosphère devait presque absolument lui manquer. Cette absence d'air entraînait l'absence d'eau. Il devenait donc manifeste que les Sélénites, pour vivre dans ces conditions, devaient avoir une organisation spéciale et différer singulièrement des habitants de la terre. Enfin, grâce aux méthodes nouvelles, les instruments plus perfectionnés fouillèrent la lune sans relâche, ne laissant pas un point de sa face inexploré, et cependant son diamètre mesure 2 550 000. Sa surface est la 13e partie de la surface du globe. Son volume, la 49e partie du volume du sphéroïde terrestre. Mais aucun de ces secrets ne pouvait échapper à l'œil des astronomes, et ces habiles savants portèrent plus loin encore leurs prodigieuses observations. Ainsi, ils remarquèrent que pendant la pleine lune, le disque apparaissait dans certaines parties rayé de lignes blanches, et pendant les phases, rayé de lignes noires. En étudiant avec une plus grande précision, ils parvinrent à se rendre un compte exact de la nature de ces lignes. C'étaient des sillons longs et étroits, creusés entre des bords parallèles, aboutissant généralement au contour des cratères. Ils avaient une longueur comprise entre 10 et 100 000 et une largeur de 800 toises. Les astronomes les appelèrent des rainures, mais tout ce qu'ils surent faire, ce fut de les nommer ainsi. Quant à la question de savoir si ces rainures étaient des lits desséchés d'anciennes rivières ou non, ils ne purent la résoudre d'une manière complète. Aussi, les Américains espéraient bien déterminer un jour ou l'autre ce fait géologique. Ils se réservaient également de reconnaître cette série de remparts parallèles découverts à la surface de la Lune par Gruithuisen, savant professeur de Munich, qui les considéra comme un système de fortification élevé par les ingénieurs sélénites. Ces deux points, encore obscurs, et bien d'autres sans doute, ne pouvaient être définitivement réglés qu'après une communication directe avec la Lune. Quant à l'intensité de sa lumière, il n'y avait plus rien à apprendre à cet égard. On savait qu'elle est 300 000 fois plus faible que celle du Soleil et que sa chaleur n'a pas d'action appréciable sur les thermomètres. Quant au phénomène connu sous le nom de lumière cendrée, il s'explique naturellement par l'effet des rayons du Soleil renvoyés de la Terre à la Lune et qui semblent compléter le disque lunaire lorsque celui-ci se présente sous la forme d'un croissant dans ses premières et dernières phases. Tel était l'état des connaissances acquises sur le satellite de la Terre que le Gun Club se proposait de compléter à tous les points de vue, cosmographiques, géologiques, politiques et moraux.